إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أوه نعم صحيح نعم ما c'est pas grave الحمد لله c'est une baraka de plus donc الحمد لله on commence le cours numéro 11 aujourd'hui on est toujours dans l'explication de Fadlul Islam le charh avec le charh du Cheikh Saleh Al Fawzan et on est dans le chapitre maintenant يعني وجوب باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه l'obligation d'entrer dans l'islam en entier et d'abandonner ce qui s'y oppose et on a lu quelques versets quelques hadiths hier avec l'explication maintenant aujourd'hui on va lire donc la suite avec d'autres hadiths et d'autres paroles qui clarifie justement le sujet de ce chapitre. Donc le cheikh il mentionne, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmizi, hein, et qui est rapporté également par d'autres parmi les imams de hadith, hein, dans les livres de hadith. C'est un hadith rapporté par Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتمام الحديث قوله وتفترق هذه الأمة على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي donc ça c'est le hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Amr qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il va y arriver un temps où ma umma hein, vont suivre l'exemple de Bani Israël pas à pas même si chez les gens parmi les gens de Bani Israël il y en avait qui allaient commettre l'adultère avec sa propre mère devant tout le monde il y aura dans ma umma des gens qui vont faire la même chose. Et il a dit, et les gens de Bani Israël se sont divisés en 72 sectes, et à la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et cette umma, ma umma, va se diviser en 73 sectes. Elles seront toutes dans le feu, excepté une d'entre ces sectes. Alors les sahabes ont dit, laquelle, ô messager d'Allah, laquelle ça sera yani, sauvé de l'enfer? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, c'est ce que je, Yani, c'est ce que je suis moi-même ainsi que mes compagnons. Donc le groupe sauvé, c'est de suivre ce que suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi et il a dit que c'est un hadith Hassan Gharib. Et il y a beaucoup d'autres narrations de ce même hadith qui viennent supporter cette narration-là, comme le hadith de Muawiyah qui est rapporté par l'imam Ahmad et Abu Daoud. Hein, il a dit que c'est une sanad qui est Hassan, et également le hadith qui est rapporté selon Anas ibn Malik par Ibn Majah, et également le hadith de Auf ibn Malik, hein, qui est également rapporté par l'imam Ibn Majah dans son Sunan. Donc, quand on rassemble toutes les différentes les voies de ce hadith, eh bien, ça amène à la conclusion que c'est un hadith authentique, un hadith qui est sahih. Ok? Même si beaucoup de gens de bid'a détestent ce hadith parce qu'ils aiment pas admettre la réalité qu'il y a une voie qui est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, qui est la seule qui est sur la vérité, et que les autres qui contredisent cette voie sont menacés de l'enfer. On va lire ça, on va expliquer ce hadith inshallah. Le cheikh il dit هذا تحذير شيخ الفوزان يدي هذا تحذير من هذا من هذا الذي يقع سيقع في آخر الزمان هذا تحذير من هذا الذي سيقع في آخر الزمان تحذير للأمة وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته وشفقته عليهم أنه أخبرهم عما سيحصل وبين لهم كيف النجاة منه فبنو إسرائيل تفرقوا واختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات هذا في بني إسرائيل فما دام أن هذا حدث في بني إسرائيل فسيحدث في هذه الأمة عندما يقلدهم وقد حدث ولكن عند حدوثه يجب على المسلم أن لا يتعصب وإنما يحرص على الدليل واتباع الكتاب والسنة حتى ينجو من هذه الفتنة وهذا الشر وهذا الاختلاف فهذا خبر معناه التحذير وهو من معجزاته صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيوجد من يتشبه باليهود والنصارى حتى في أتفه الأشياء أو أقبحها وأشنعها حتى ولو كان في اليهود والنصارى من يأتي أمة يعني يجامع أمة لوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك تقليدا لهم لأنه يعتبر ما هم عليه من الكمال يعتبر ما هم عليه هو الكمال ولو كان أقبح الأشياء وأشنعها فالزنا عموما فاحشة وسأسبيلة والزنا بالأم أقبح أنواع الزنا ولو فعله الكفار صار عند بعد مستحسنا. Donc le cheikh il explique, il dit que ça c'est un avertissement, ce hadith là est un avertissement de ce qui va arriver à la fin des temps, c'est un avertissement pour la Ummah, et ça fait partie de la motivation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de son désir ardent de guider sa Ummah et de montrer à sa Ummah le bien, parce qu'il a de l'affection pour les musulmans, il a de l'affection pour sa Ummah, il veut du bien pour la Ummah, alors il les met en garde et il les avertit en leur disant qu'est-ce qui va se produire et en leur clarifiant comment être sauvé de ce genre d'événement et de ce genre de situation-là. Donc, on voit que Banu Israël, les fils d'Israël, ils se sont divisés et ils ont divergé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 105, dans surat Ali Imran qu'on a lu dans le cours d'hier, « Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur sont venues les preuves claires. » Donc ça c'est à propos de Bani Israël, les fils d'Israël. Et donc, du moment que ce genre de choses-là se sont produites, chez les fils d'Israël, alors ça va se produire également dans cette Umma pour ceux qui les imitent et qui les suivent. Le Cheikh dit وَقَدْ حَدَفْ, ça veut dire, et ça s'est produit déjà. Ça s'est produit déjà même maintenant chez les musulmans. وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ. Ça va, Issa, masha'Allah. Le nouveau marié, masha'Allah. Alhamdulillah. Il faut aller le réveiller après. Donc, les cheikhs, ils disent, et ça s'est déjà produit. Mais par contre, lorsque ça se produit, il est obligatoire pour le musulman de ne pas être borné et fanatique et de s'accrocher à son opinion et de ne pas accepter la preuve. Il faut que le musulman, au contraire, fasse des efforts pour chercher la preuve et suivre le Coran et la Sunna pour qu'il soit sauvé de cette fitna et de ce mal lorsque la divergence se produit. Et donc, cette information et ce hadith, il est là et il a le sens de l'avertissement, de la mise en garde. Et ça, c'est un des miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vient nous informer qu'il va y avoir parmi les musulmans des gens qui vont imiter les juifs et les chrétiens, même dans les choses les plus futiles, les plus insignifiantes et les plus laides et les plus repoussantes. Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une narration de ce hadith, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Et à la fin, il a dit حَتَّى وَلَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّنْ لَدَخَلْتُمُوهُ. C'est-à-dire, même s'ils décidaient de rentrer dans le trou d'un lézard, vous allez les suivre. Dans ce hadith-là, il dit, même si un d'entre eux faisait le zina avec sa propre mère, devant les gens, vous allez les imiter. Donc ça, c'est pour montrer qu'il y en a des gens qui vont, parmi les musulmans, essayer d'imiter les juifs et les chrétiens, même dans les choses les plus stupides, ou dans les choses les plus futiles, ou dans les choses les plus laides. Et donc, le cheikh, il dit, même si un juif ou un chrétien décide de faire le zina avec sa mère, tu vas trouver des gens dans cette umma qui vont faire la même chose pour les imiter. Parce qu'ils pensent que tout ce que les juifs et les chrétiens font, c'est quelque chose de meilleur, de bien. C'est comme une perfection pour eux. C'est comme aujourd'hui, qu'est-ce que les gens disent? Ah, ça c'est moderne. Ça c'est la modernité, c'est l'évolution, c'est le développement, c'est la science, c'est la lumière. Donc ces gens-là, ils pensent que tout ce que l'Occident fait, c'est bon. Donc quand tu vois en Occident maintenant des gens qui vont faire ce genre de choses, fait le zina avec ses parents ou des choses de ce genre, mais là ils vont considérer que c'est quelque chose de bien et puis ils vont glorifier ça. C'est comme ça que les koufars font. Ils font des choses laides puis ils glorifient ce qu'ils font, et après il y a des musulmans qui voient ça, qui disent ah oui c'est vrai, c'est bien, si eux ils le font, ça veut dire que c'est bon. Donc le cheikh il dit, donc le zina, déjà le zina en général, c'est un péché qui est parmi les plus laids de tous les péchés. Une mauvaise voie. Mais de faire le zina avec la mère, c'est encore plus laid. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fik Hamza, mashallah. Alhamdulillah. Non, il n'y a pas de problème, akhi. Donc quand on est arrivé au point où quelqu'un fait le zina avec sa propre mère, là c'est encore plus laid, c'est encore plus laid que le zina ordinaire que quelqu'un fait avec une femme étrangère. Donc si les koufars font ça, il y en a quelques-uns parmi les musulmans qui vont dire ah oui ça c'est bien ça, a'ouzoubillah. Il y en a comme ça. Il y en a comme ça qui, malheureusement, tombent dans ce genre de situation. Ensuite, il dit wa fil hadith al-akhar hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Comme je disais tout à l'heure, dans l'autre hadith, même si un d'entre eux rentre dans le trou d'un lézard, vous allez le suivre. Hein? Wa hadha fihi at-tahdhir من التشبه باليهود والنصارى وأنه خطر عظيم على المسلمين. Et dans ça, il y a l'avertissement contre le fait de ressembler aux juifs et aux chrétiens et que c'est un danger immense pour les musulmans. Et il y a actuellement une catégorie des musulmans ou certains individus qui ne prennent même pas en considération l'interdiction d'imiter les juifs et les chrétiens. Pour eux, c'est pas important ou c'est pas grave de les imiter. Ils les imitent dans n'importe quoi, même dans les choses de la religion et les choses qui sont interdites par le Coran et par la Sunna. Ils les prennent comme modèle. Le Cheikh il explique ensuite la suite du hadith. Il dit وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثنتين وَسَبْعِينَ مِلَّةٍ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةٍ كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. أخبر صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى وأن اليهود والنصارى افترقوا. فاليهود افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة تقليدا لهم وكلها في النار إلا واحدة وهي التي بقيت على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا نجاة من النار إلا باتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ومن لم يكن كذلك فهو في النار إما لكفره وإما لضلاله فليست كل الفرق كافرة بعضها كافر وبعضها دون الكفر ولكنها كلها متوعدة بالنار لكفرها أو لضلالها. Donc le cheikh explique ensuite à la suite du hadith que les fils d'Israël se sont divisés en 72 sectes ou en 72 groupes. Et que cette Ummah va se diviser en 73 sectes, et qu'elles seront toutes dans l'enfer excepté une. Et les Sahaba ont dit, laquelle sera sauvée au messager d'Allah? Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est celle qui suit ce que je suis moi-même et mes compagnons. 72, ça c'est les juifs, et notre Ummah, elle va se diviser en 73. Et les chrétiens, c'est 71 dans une autre narration. Il y a plusieurs narrations, mais c'est toujours que... Il y en a une narration, celle-là, elle dit que les juifs se sont divisés en 72. Il y a une autre narration qui mentionne que les juifs se sont divisés en 71, et que les chrétiens se sont divisés en 72, et que les musulmans vont se diviser en 73. Hein? Et le cheikh, il explique ici, il dit, et cette umma, donc, va se diviser en 73, et il y en a une qui sera au paradis et les autres seront en enfer. Et donc, quand les sahabes ont demandé laquelle sera sauvée de l'enfer, il a dit c'est celle qui suit moi, qu'est-ce que je suis moi-même et mes compagnons. Et donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donc expliqué que parmi les musulmans, parmi ceux qui sont dans cette umma, il y en a qui vont imiter les juifs et les chrétiens. Et que les juifs et les chrétiens se sont divisés, hein, les juifs se sont divisés en 72, en 71, le cheikh il dit, les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens en 72 sectes, et cette umma en 73 sectes. Hein. Et comme je disais au début, on a expliqué que ça c'est la narration, il y a une narration de l'imam At-Tirmidhi, c'est celle qu'on a lue. Il y a d'autres narrations, plusieurs narrations de ce hadith, ok? Il y a plusieurs narrations de ce hadith rapportées par différents sahabis, et des fois il peut y avoir parfois des différences entre ou des petites divergences entre les différentes narrations parce que certaines narrations de ce hadith-là sont faibles et d'autres sont authentique. Et donc, parfois, il peut y avoir des petites divergences parce que, supposons qu'un sahabi, il a entendu ou il a mémorisé le hadith de telle façon, tandis qu'un autre l'a mémorisé d'une autre manière, et puis, par la suite, il y en a qui se trompent, donc ils sont corrigés par d'autres sahaba. Et donc, c'est pour ça que parfois, ça se peut que vous allez entendre une narration qui est différente d'une autre. Mais celle qui est rapportée, en général, elle mentionne que les juifs, c'est 71, les chrétiens, c'est 72, et les musulmans, c'est 73 sectes. Le numéro, c'est 2641, dans Sunan al-Tirmidhi. Puis, oui, c'est ça. Donc, ensuite, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, elles seront toutes en enfer, excepté une. Toutes les 73 sont en enfer, excepté une. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a une parmi les 73 qui va être au paradis. Et c'est laquelle? C'est celle qui est restée sur l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Le cheikh, il dit ensuite qu'il n'y a donc pas de salut, il n'y a pas de moyen d'être sauvé de l'enfer, excepté en suivant ce que suivait, hein, en suivant le Coran et la Sunna et le manhaj des salaf al-salih. Donc en suivant ce que suivait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Hein. Et il dit donc, celui qui n'est pas sur cette voie-là, il sera dans l'enfer. Soit à cause de sa mécréance ou à cause de son égarement. C'est-à-dire que parmi les 73 sectes, il y en a 72 qui vont en enfer. Parmi ces 72, il y en a qui sont dans l'enfer pour leur mécréance, et donc ils seront éternellement en enfer. Et il y en a parmi ces 72-là qui vont être dans l'enfer, pas à cause de leur mécréance, à cause de leur égarement. Et ceux-là, ils seront en enfer pour une durée de temps, puis ils sortiront de l'enfer par la suite, hein, parce qu'ils ne sont pas des koufars ou des mouchriquines. Hein. Donc, ils sont menacés de cette menace dans ce hadith. Et donc, le cheikh, il ne disait pas toutes les sectes qui seront mécréantes. Certaines de ces sectes sont mécréantes, d'autres sont moindres que le kufr, ils sont pas nécessairement dans le kufr. Ils ont une erreur ou un égarement qui est moins grave que le kufr. Mais elles sont toutes menacées de l'enfer soit à cause de sa mécréance ou soit à cause de son égarement. Donc ça, c'est très important de le comprendre parce que certains parmi les musulmans, ils s'imaginent que depuis qu'on mentionne que quelqu'un sera en enfer, ils imaginent automatiquement que ça veut dire que c'est kufr. Et c'est pas le cas, yani. Hein? Des fois, le prophète enseigne dans des hadiths, il mentionne que celui qui fait telle ou telle chose, il va en enfer. Ça veut pas dire que celui qui fait telle ou telle chose, si le prophète enseigne a dit à son sujet qu'il sera en enfer, que c'est parce qu'il est mécréant. Ça veut aussi parfois dire qu'il mérite le châtiment de l'enfer s'il le fait, tout en restant quand même un musulman et un croyant, sauf qu'un musulman qui a une foi faible, hein, un croyant qui a une foi faible, parce qu'on sait que selon la aqida d'Ahl Sunnah, la foi elle augmente et elle diminue selon les actions. Parce que, en fait, la foi elle comprend les paroles, les croyances, les paroles et les actions. Donc, ça c'est en ce qui concerne ce hadith. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit « فَلْيَتَأَمَّلْ الْمُؤْمِنْ الَّذِي يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ كَلَامَ الصَّادِقِ الْمَسْدُوقِ فِي هَذَا الْمَقَامِ خُصُوصًا قَوْلُهُ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي » Donc, le cheikh, il dit Que le croyant qui espère en la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala médite sur la parole du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, as-sadiq al-masduq, celui qui est véridique, hein, celui qui est véridique et qui dit la vérité et qui est supporté par Allah subhanahu wa ta'ala dans la vérité, dans ce hadith-là, qu'est-ce qu'il dit? Et en particulier, de méditer sur la partie où il dit « Ma ana alayhi wa ashabi » dans la partie où il dit « Ce que je suis, moi-même, ce que je suis en train de suivre, et mes compagnons. » Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit « ليتأمل المسلم الناصح لنفسه كلام الصادق المصدوق وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الصادق فيما أخبر به وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى المصدوق أي المصدق من الله والله هو الذي أخبره بذلك فهو صادق وهو مصدوق صادق فيما أخبر به ومصدوق فيما أخبر به من قبل الله عليه الصلاة والسلام وليتأمل المسلم اللبيب العاقل هذا الأمر وأنه لا بد أن يحدث ولا نجاة منه إلا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذا يستدعي منا أن نتعلم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما أما أن كلا يدعي أنه على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو جاهل بما كان عليه الرسول وأصحابه وهو لا يدري ولكنه تعمد الخطأ أو يدري ولكنه تعمد الخطأ هذا فهذا لا يصح أبدا ولا يجوز فلا بد أن نتعلم ونعرف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى نتمسك به ولا نلتفت إلى سواه. Donc le cheikh il explique que le musulman doit méditer. Le musulman qui est sincère, il doit méditer en lui-même sur les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est désigné dans les paroles ici par le terme As-Sadiq al-Masduq. As-Sadiq, ça veut dire celui qui est véridique, qui est sincère, qui dit la vérité. C'est ça que ça veut dire As-Sadiq. C'est-à-dire qu'il dit la vérité, quand il informe les gens de quelque chose, c'est la vérité. Et il mentionne les paroles d'Allah dans le verset 3 et 4 dans Surat al-Najm. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Et al-Masduq, c'est-à-dire celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la vérité. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui lui informe de ces informations-là. Donc, il est sadiq, il est véridique et il est masduq. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui transmet et lui révèle la vérité. Et donc, il est véridique dans ce qu'il donne comme information et il est également celui qui transmet la vérité d'Allah, qui lui est donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le musulman, il doit méditer s'il est intelligent, s'il est s'il comprend les choses, il doit méditer sur la signification de ce hadith-là. Il doit comprendre qu'il faut absolument que ça arrive, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, que la umma va se diviser. Ça, c'est obligatoire que ça arrive, puisque il a dit que ça allait se produire. Maintenant, le cheikh, il mentionne un point très important, en fait, et que beaucoup de gens, parfois, négligent ou bien ils donnent pas à ça une grande importance ou une grande signification. C'est le fait que si c'est certain que ça doit se produire, il n'y a pas de moyen de s'en sauver excepté en suivant ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a suivi ainsi que ses compagnons. Et ça demande de notre part d'apprendre ce que suivait le messager sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il y a un groupe qui va être sauvé, et ce groupe-là, c'est celui qui m'a suivi moi, et mes compagnons. Donc ça demande, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça nous demande par la suite? Ça demande que qu'on apprenne à connaître ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a suivi, ainsi que ses compagnons. Parce que si on ne connaît pas l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et si on ne connaît pas l'exemple des compagnons et la voix des compagnons, eh bien on ne pourra jamais distinguer entre qu'est-ce qui va nous sauver de l'enfer et qu'est-ce qui ne va pas nous sauver de l'enfer. Parce que toute personne qui vient avec quelque chose, elle va toujours prétendre que ce qu'elle fait, c'est l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou l'exemple des sahaba. Vous allez trouver des gens maintenant, ils font toutes sortes de choses, de bid'ah, de garments. Et quand tu leur demandes pourquoi tu fais ça, ils disent mais ça c'est l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou c'est la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant c'est pas le cas. Donc ça demande quoi? Si quelqu'un n'a pas de preuve, il n'a pas de connaissance, il n'est pas capable de réfuter, qu'est-ce que cette personne-là prétend? Et donc il va être perdu. C'est pour ça qu'il faut avoir le ilm, il faut avoir la connaissance. Donc le cheikh il dit, ça nécessite de notre part qu'on apprenne l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il suivait, ainsi que ses compagnons. Mais sinon, si on se base uniquement sur le fait que chaque personne prétend, si on se base sur ce que les gens prétendent, lorsqu'ils prétendent qu'ils suivent l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, alors qu'ils ignorent réellement ce que suivait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, ou bien qu'ils l'ignorent pas, ils le connaissent, sauf que il fait exprès pour suivre l'erreur, alors dans ce cas-là, ça c'est sûr que c'est pas correct et c'est pas permis d'agir de cette manière-là. Tu prétends que tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, mais tu ignores la réalité de ce que suivait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc le cheikh il dit, il faut absolument donc apprendre ce que suivait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons pour pouvoir s'y accrocher et de ne pas se tourner vers rien d'autre en dehors de ça. Ensuite le cheikh il dit يا لهذه الموعظة لو وافقت من القلوب حياة. Ça c'est une phrase d'exclamation, une exclamation, disons si on veut, de la part du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Qu'est-ce qu'il il dit ça comme commentaire par rapport à qu'est-ce qu'il vient de lire par rapport au hadith. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit يا لهذه الموعظة لو وافقت قلوبا أو لو وافقت من القلوب حياة. Ça veut dire, c'est comme s'il disait, comme il y a dans ce hadith-là une belle exhortation, si seulement elle arrive à rencontrer un cœur dans lequel il y a de la vie. Donc si quelqu'un il a un cœur vivant, lorsqu'il entend ce genre de hadith ou ce genre d'exhortation, automatiquement ça rentre dans son cœur, ça le réveille, ça lui fait comprendre les choses et il s'éloigne du mal. Oui, il réfléchit et il comprend. Mais si la personne qui l'entend, son cœur il est malade ou il est mort, eh bien il va pas réagir, il va rester comme il était avant. Donc c'est souvent comme ça. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya dans son livre Irasatul Lahfan, dans l'introduction, il parle des cœurs et il divise les cœurs en trois. Il dit qu'il y a le cœur qui est vivant, ça c'est le cœur qui est rempli de foi, c'est lui qui répond à l'appel d'Allah automatiquement quand il entend l'appel. Si on lui ordonne ou on lui interdit, tout de suite il applique. Il y a le cœur qui est malade, c'est-à-dire que lui, c'est un cœur qui... Il y a de la foi dedans, mais en même temps, il y a des péchés, il y a d'autres choses. Donc, lui, quand il entend l'ordre ou l'interdiction, il prend plus de temps à répondre à l'appel. Il répond, mais il répond lentement, ou bien il prend beaucoup de temps. Et il y a le cœur qui est mort, c'est le cœur qui répond pas du tout à l'appel, c'est-à-dire, il entend les ordres et les interdictions et il donne aucune importance. Et ça, c'est le cas des kuffars. Le cas des kuffars. Donc, il faut faire attention à ça. Et donc, le cheikh, il dit ici, هذه موعظة هذه le cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, هذه موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم لو وافقت من القلوب حياة لكان للقلوب معها شأن بالاعتبار والامتثال والحرص على معرفة الحق والعمل به وأن لا يكون الإنسان إمعة يكون مع الناس أينما كانوا بل يكون مع الحق دائما وأبدا ولو خالفه الناس ولا يقلد بغير هدى تقليد الأعمى عليه أن يعرف الحق أولا ثم يعمل به ويدعو إليه هذا هو الواجب على كل مسلم أما أن تقول دعوا الناس على ما هم عليه عملا بمقولة حرية رأي والرأي والرأي الآخر لا تحجر على الناس وتضيق عليهم هذا كلام باطل هذا كلام أهل الضلال والعياذ بالله. Donc le cheikh il explique, on va commencer par ça. Il dit, ça c'est une exhortation. Dans le hadith qu'on a lu, c'est une exhortation de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam. Si seulement elle rencontre un cœur qui a, dans lequel il y a de la vie, alors ce cœur, il pourra, disons, réfléchir sur la leçon qui est dans cette parole et le mettre en application et faire des efforts pour connaître la vérité et dans le but d'arriver à l'application de cette vérité-là. Hein? Mais, yani, le cheikh dit, on ne doit pas être comme des éponges, yani. On ne doit pas être comme des gens qui acceptent tout ce que les gens nous disent. Hein? On est comme des gens naïfs, simples, innocents. Des gens qui, quand on leur raconte quelque chose, tout de suite, ils l'acceptent et croient, sans vérifier la chose. Non, parce qu'à notre époque, actuellement, surtout, mais il y a toujours eu ça, mais encore plus aujourd'hui, tout le monde prétend des choses. Tout le monde prétend qu'ils sont sur la vérité, ou qu'ils prétendent qu'ils suivent l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou des sahaba. Donc, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être im'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Laysa al-mu'min » Bi'im'a. Le musulman, il ne doit pas être naïf, il ne doit pas accepter tout, croire en tout. Non, il doit être intelligent et il doit vérifier les choses, hein, le musulman. Donc, toute chose, il doit connaître la vérité avant de suivre les gens. Ce n'est pas juste un tel, il dit quelque chose, je le suis. L'autre, il dit quelque chose, je le suis. Je vais avec un tel, je vais avec l'autre, hein, je suis tout le monde. Non! Ça, c'est, si tu fais ça, tu vas t'égarer, tu vas aller n'importe où. Hein. Donc, le cheikh, il dit, tu dois être avec la vérité en tout temps. Et tout le temps et partout, tu dois suivre uniquement la vérité. Même si tu contredis les gens, c'est pas grave. L'important, tu suis la vérité. Tu ne dois pas suivre quelqu'un d'autre aveuglément. Hein? Tu ne dois pas suivre les gens sans la guidance. Si tu suis quelqu'un, il faut que tu saches que tu le suis parce qu'il est sur la vérité. Et parce qu'il suit la vérité, tu ne le suis pas parce que tu aimes sa façon de parler, ou tu aimes son apparence, ou tu aimes son style, ou tu aimes sa façon d'être. Non, tu dois suivre quelqu'un uniquement parce que qu'est-ce qu'il dit, c'est la vérité. Et s'il dit le faux, tu le laisses. S'il se trompe, tu le laisses. S'il fait une erreur, tu ne le suis pas dans son erreur. Tu le suis uniquement s'il dit quelque chose qui est vrai ou qui est en accord avec la vérité. Donc tu ne dois pas suivre les gens aveuglément, même si c'est un des grands savants de l'islam. Même si c'est un plus grand savant dans l'islam, tu ne dois pas le suivre aveuglément. Ok? Tu dois donc connaître la vérité, premièrement, puis tu dois l'appliquer et inviter les gens à la suivre. Hein? Donc, si tu Il y a beaucoup de gens comme ça des fois. Ils ont, je vous donne un exemple. Bon, c'est pas quelque chose qui est étonnant ou anormal, parce que de toute façon, on est quand même toujours limité à notre niveau dans la connaissance, parce qu'on n'est pas des ulama. Mais Allah nous ordonne de demander aux ulama quand on a une question. D'accord? Donc ça, c'est correct. Quand on demande aux ulama pour nous clarifier des choses, on va le suivre. Et si par la suite quelqu'un nous vient avec une parole d'un autre alim qui contredit la parole du premier, ah bon, là des fois les gens sont mélangés avec ces situations là. Pourquoi? Parce que il a suivi la parole d'un savant et là on lui amène la parole d'un autre savant qui dit le contraire de ce que le premier a dit. Alors souvent il y a des gens comme quand ils arrivent dans des situations comme ça, ils sont bloqués, ils savent plus quoi faire, ou bien ils sont complètement mélangés. Et il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Justement, ils utilisent la fatwa d'un savant contre la fatwa d'un autre pour essayer de le convaincre. Et les ulama ont expliqué, si tu veux connaître la vérité, c'est pas en frappant la parole d'un savant contre la parole d'un autre savant. Parce que la parole du savant en elle-même, elle n'est pas une preuve dans la charia. C'est une explication, une clarification. La preuve, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Donc, si tu veux connaître la vérité, tu dois connaître la vérité par sa preuve. Et c'est ça qui va faire en sorte que tu ne vas pas tourner en rond comme ça, d'un savant à l'autre, ou d'une parole à l'autre, ou d'une opinion à l'autre. Parce que tu vas savoir pourquoi ce savant-là, il a dit ça, et pourquoi l'autre a dit autre chose. Et tu ramènes les choses à leurs preuves. Mais si tu te bases seulement sur les paroles des savants, comme c'est le cas chez les jeunes maintenant, hein, chez les jeunes salafis des fois dans les sites internet, ils se débattent entre eux avec les paroles des ulama. Un il dit, ah, tel cheikh il a dit ça, comme si c'était un verset de Coran, ou comme si c'était un hadith. Non, c'est une parole d'un de nos ulama. Donc c'est pas une référence, c'est-à-dire c'est pas une preuve par laquelle tu peux convaincre quelqu'un de laisser tomber son opinion à lui, puisque lui aussi son opinion il l'a pris d'un savant lui aussi. Donc si tu veux arriver à le convaincre, tu dois essayer de lui ramener les dalils et les preuves. Et c'est ça qu'on doit apprendre aux gens, à ramener les gens vers les preuves du Coran et de la Sunna. Et l'imam Ibn al-Qayyim, al-Jawziyya, il disait toujours ça. Hein? Il a un poème dans son poème, dans An-Nuniyya. Il dit, Al-ilmu qala Allah, qala Rasuluhu, qala Sahaba, laysa bit-tamwihi. Ma al-ilmu nasbuka lil-khilafi safahatan bayna al-Rasuli wa bayna ra'yi faqihi. Donc, il dit quoi? Il disait, la science, c'est قال الله قال رسوله قال الصحابة. La science c'est Allah a dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit et les sahaba ont dit. Ça c'est l'ilm, c'est ça la science. Hein? La science c'est pas yani de te placer, hein, bêtement dans les paroles des différents fuqaha, entre les paroles des différents fuqaha pour essayer de yani argumenter en te basant sur les divergences qui existent entre eux pour essayer de prouver que un a plus raison que l'autre sans retourner aux preuves. Ça sert à rien. Donc ça c'est quelque chose qui nécessite que chacun d'entre nous fasse des efforts pour augmenter son niveau de connaissance de l'islam, pour justement arriver à un niveau où il est capable de regarder les paroles des ulama et de regarder les preuves et de prendre la position qui lui semble être celle qui est plus près de la vérité selon le Coran et la Sunna, et non pas de se référer uniquement aux paroles des ulama comme si c'était des preuves en elles-mêmes, hein? Ensuite donc le cheikh il dit donc que tu vas pas suivre aveuglément. Donc tu dois connaître la vérité en premier, puis tu dois l'appliquer et tu dois ensuite inviter les gens à suivre cette vérité-là. Et ça c'est qu'est-ce qui est obligatoire pour tout musulman. Et donc, tu ne dois pas dire comme certains disent aujourd'hui, laisse les gens faire ce qu'ils font là. Laisse-les sur ce qu'ils sont, en train de pratiquer maintenant. Et ils se basent sur la parole qui dit la liberté d'opinion. حُرِّيَّةُ الرَّأْيِ. La liberté d'opinion. Ou bien, comme des émissions de télé qui passent maintenant sur les chaînes satellites arabes, الرَّأْيُ وَالرَّأْيُ الْآخَرِ. Il y a des chaînes satellites, maintenant sur les chaînes satellites arabes, il y a plein d'émissions. Et il y a même des chaînes satellites arabes qui sont, c'est les koufars qui les ont ouvert ces chaînes. Et ils ont, qu'est-ce qu'ils font en fait dans ces chaînes de publicité là, ces chaînes de télévision? Ils font les mêmes programmes qu'on retrouve chez les koufars, ils les font mais en arabe. Le même style, le même contenu, le même format, la même façon, etc. Yani, tout est pareil, sauf que c'est en arabe. Et quand tu regardes ça, tu vois ces choses-là, c'est par rapport au fait qu'on est des musulmans, on regarde ça, surtout que nous, on a grandi ici, on sait la différence entre yani, la mentalité des koufars et les principes de l'islam. Donc quand on regarde ces programmes-là en arabe, on regarde ça, on dit subhanallah, ça se peut pas. Ces gens-là, ils discutent entre eux, ils débattent entre eux comme si le Coran et la Sunna n'existaient pas. Hein? Et donc ça, c'est des choses, c'est des exemples pour dire, c'est comme si ils ont pris le Coran et la Sunna, ils l'ont mis derrière leur dos, et puis ils ont commencé à discuter entre eux comme pour philosopher. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis là, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et l'émission s'appelle quoi? Ar-ra'yu wa ar-ra'yu al-akhar. L'opinion et l'autre opinion. L'opinion et l'opinion, l'autre opinion. Donc ça veut dire, tout le monde a des opinions. Il n'y a pas de fait, il n'y a pas de base. Hein? Et donc, les gens téléphonent. C'est des lignes ouvertes, mais à la télé. Les gens téléphonent et puis l'animateur, il pose des questions, puis les gens, ils appellent pour donner leur point de vue ou leurs opinions. Et ils parlent de tout et de rien. Donc, ça, c'est des exemples. Il dit, voilà, tahjuru ala nas, wa tudayiqu alayhim. Ça veut dire, limitez pas les gens, hein, écrasez pas les gens dans une seule voie, une seule opinion. Donnez-leur du lus, hein, donnez-leur de l'ouverture. Il y en a qui disent, quand tu parles d'un sujet sur l'islam, donne pas juste une seule opinion, donne différentes opinions, puis tu laisses les gens choisir l'opinion qui leur plaît par la suite. Hein? Donc, c'est ça, il y en a qui vont même dire, al-ikhtilaf ou rahma, hein? Ikhtilaf ou ummati rahma. Et ça, c'est, Cheikh Al-Albani, il a dit, ça c'est même pas un hadith. Hein? Il a même pas d'isnad, il est même pas authentique. Et donc, il y en a qui mentionnent ça comme étant une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? La divergence de ma umma est une miséricorde. Et non, c'est pas vrai. Même que dans le Coran, il y a la preuve que la divergence de la umma, c'est pas, wa alaykoum salam wa rahmatullah, la divergence de la umma, c'est pas une miséricorde, mais au contraire, c'est un châtiment. Hein? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Wa lidhalika khalaqahum. Ils resteront toujours dans les, ils auront toujours des divergences, hein, excepté ceux à qui Allah a fait miséricorde. Hein. Donc ça, c'est la preuve que celui à qui Allah a fait miséricorde, il ne divergera pas. Et c'est pas vrai que quand tu réponds à des gens, si des gens ont posé des questions à un savant, le savant n'est pas obligé de leur répondre en leur mentionnant toutes les différentes opinions des différents savants. Non. L'important, c'est qu'il leur donne la réponse avec le dalil, avec la preuve. Hein? Et c'est ça qui est obligatoire. Et non pas de rapporter la parole de X ou de Y, hein, et l'opinion de X ou de Y. Le cheikh, il dit ensuite, hein, il dit, ça c'est une parole fausse. Celui qui dit ce genre de choses-là, la liberté d'opinion, ainsi de suite, ça c'est une parole complètement fausse. Et c'est la parole des gens de l'égarement. Donc ça, c'est le Cheikh Al-Fawzan qui dit ça. Ça là, ces paroles là, c'est des paroles des gens de l'égarement. Hein? Donc il faut faire attention. Il dit wa hada mukhalifun li qawli ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Fal wajib an nad'u an-nas ila as-sawab wa ila al-haqq wa la nuqirruhum ala dalalihim ولا على ما هم عليه ونقول حرية الرأي. ليس هناك شيء اسمه حرية رأي، وإنما الواجب اتباع الكتاب والسنة. ولو كان هناك حرية رأي لم نحتج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى الكتب، بل كل يتبع رأيه وعقله. فالرأي إذا خالف الوحي يجب أن يترك. وعليكم السلام ورحمة الله. أما إذا وافق الوحي، إذا وافق الوحي فالحمد لله. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من المسح من أعلاه، أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف. فالدين ليس بالرأي وإنما بالاتباع. Donc le cheikh il continue. Il dit donc que cette idée qu'il y a l'opinion, la liberté d'opinion et ainsi de suite, il dit ça c'est contraire à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit l'obligation pour nous c'est d'inviter les gens à qu'est-ce qui est vrai et à qu'est-ce qui est correct. Hein? Et de ne pas les accepter ou de ne pas être d'accord avec eux lorsqu'ils sont sur l'égarement, de ne pas les approuver lorsqu'ils sont, de ne pas approuver de ce qu'ils font ou de leur position lorsqu'ils sont sur l'égarement, et de ne pas être d'accord avec eux lorsqu'ils font l'égarement. Et de dire, par exemple, la liberté d'opinion. Il dit, il n'y a pas de chose qui s'appelle liberté d'opinion dans l'islam. L'obligation, c'est de suivre le Coran et de suivre la Sunna. Et il dit que s'il y avait une chose qui s'appelle liberté d'opinion, dans ce cas-là, on n'aurait pas besoin d'un messager. Dans ce cas-là, on n'aurait pas besoin des livres révélés. T'imagines? Le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il vient, il appelle les hommes au tawhid, il appelle les gens à l'obéissance à Allah et à ses ordres. Et à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un ordre aux gens et il mentionne les versets d'Allah, les gens disent « Ah mais non, on a la liberté d'opinion. » Est-ce que c'était comme ça que les sahaba ont répondu? Jamais de la vie. Maintenant, aujourd'hui, à notre époque, on veut agir comme ça. On mentionne un hadith à quelqu'un, ah mais on a la liberté d'opinion. On mentionne un verset dans le Coran, ah mais non, il y a la liberté d'opinion. Chacun peut penser ce qu'il veut, prendre ce qu'il veut comme opinion, comme idée, comme pensée. Ça c'est pas en accord avec l'islam, c'est pas en accord avec l'exemple des sahaba. Et la preuve de ça, c'est qu'est-ce que le cheikh il dit. Il dit si il y avait la liberté d'opinion, on n'aurait pas besoin des messagers, on n'aurait pas besoin des livres. Chacun, il aurait suivi son opinion et son intelligence ou sa raison personnelle ou sa logique personnelle. Donc, le cheikh, il dit que l'opinion, lorsqu'elle est en contradiction avec la révélation, il est obligatoire de l'abandonner. Mais si notre opinion, elle est en accord avec la révélation, alors, alhamdoulilah, dans ce cas-là, c'est correct. Comme Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui est un des grands parmi les sahaba, il dit que si la religion était basée sur la raison ou sur l'opinion, eh bien, dans ce cas-là, on aurait plus de raisons de passer les mains en dessous des chaussettes plutôt que de les passer par-dessus. Ali radiallahu anhu. Et il dit, mais j'ai vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui frottait le dessus des chaussettes et non pas le dessous. Donc, ça c'est rapporté par Abu Daoud dans son Sunan. Et il dit donc que la religion, elle n'est pas basée sur ar-ra'yu, n'est pas basée sur l'opinion ou la raison, elle est basée sur la révélation et basé sur le fait de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite ويقول سهل بن حنيف رضي الله عنه يا ايها الناس اتهموا رأيكم على دينكم فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. وهذا في قصة الحديبية لما تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، وكان من بنوده من بنوده أن من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلما يرده المسلمون إليهم، ومن ذهب من المسلمين إلى الكفار لا يردونه. فشق هذا على سهل لأنه لا يعرف العواقب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذهب منا إليهم فلا خير فيه، يعني من ذهب من المسلمين إلى الكفار لا خير فيه فلا يرجع، ومن جاء من المشركين إلى المسلمين وردوه فسيجعل الله له فرجا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثم بعد ذلك تبين الحق وأن هذا الصلح في غاية المصلحة للمسلمين، لأنه كف أذى الكفار عن المسلمين وسمحوا للمسلمين بالهجرة، وكثر المهاجرون ووضعت الحرب أوزارها، وصار المسلمون يدعون إلى الله عز وجل ولا يتعرضهم أحد، فسماه الله فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا هو صلح الحديبية. Donc le cheikh il explique que, comme exemple pour montrer comment des fois nos opinions personnelles peuvent nous jouer des tours, et que parfois on peut penser que on a raison et que on a une opinion qui est plus valable à suivre que qu'est-ce qui vient dans le Coran et dans la Sunna, puis par la suite la preuve nous vient que on était dans l'erreur. Et ça c'est clair dans l'exemple de qu'est-ce que le cheikh il a rapporté de l'exemple de Sahl ibn Hanif qui était un des Sahaba radiyallahu anhu. Il a dit, probablement que ça c'était après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit: oh vous les hommes, ittahimu ra'yakum, c'est-à-dire accusez vos opinions dans la religion, et n'accusez pas, en voulant dire n'accusez pas le Coran et la Sunna, accusez vos opinions personnelles, critiquez vos opinions personnelles. Il dit parce que je me souviens que le jour de Abi Jandal, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu le sulh al-Hudaybiyya, il a dit si j'aurais pu rejeter l'opinion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la position du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je l'aurais fait. Puis par la suite, il a vu qu'il a eu tort. Ça, c'est, le cheikh il dit, c'est l'histoire de dans Al-Hudaybiyyah, lorsque les musulmans ont fait un pacte avec les mushrikines, et dans les clauses du contrat ou de l'entente, il y avait que lorsque, par exemple, parmi les kuffars, man ja'a min al-kuffar, si par exemple quelqu'un parmi les musulmans quittait les kuffars pour venir vers les musulmans à Médine, que les musulmans devaient le renvoyer vers les kuffars. Ils ne pouvaient pas l'accepter. Et lorsque un musulman, parmi les musulmans de Médine, quelqu'un quittait les musulmans pour aller vers les kuffars, eh bien, les kuffars devaient le garder. Ok? C'est-à-dire, celui qui venait des kuffars vers les musulmans, les musulmans doivent le renvoyer aux kuffars. Et celui qui quitte les musulmans vers les kuffars le gardent. Et donc, le sahabi, quand il a entendu ça, il n'a pas compris. Et ça, c'était dur pour lui d'accepter ça, parce que il voit que c'est une clause qui est en faveur des kuffars, selon lui. Il voit que dans cette clause-là, il y a un avantage pour les kuffars. Parce que quand les kuffars viennent vers un musulman quitte les musulmans vers les kuffars, eux ils le gardent. Mais quand un musulman vient vers les musulmans et il quitte les kuffars vers les musulmans, on le repousse, on le rejette vers eux. Donc il dit, mais ça c'est pas en notre avantage, cette clause. Donc il a trouvé que cette clause n'était pas correcte et il avait envie de rejeter cette clause ou de disputer cette clause. Mais il ne connaissait pas les conséquences et les conclusions qui allaient arriver plus tard. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui d'entre nous qui part vers les koufars, les mouchriquins, il n'y a rien de bon en lui. Donc, qu'il reste avec eux. Donc c'était ça l'idée derrière en fait. C'est que si un d'entre les musulmans quitte les musulmans pour aller vers les koufars, ça veut dire qu'ils ne reviennent pas parce qu'il n'est pas bon. Déjà en partant, il est parti vers les koufars. Et celui parmi les mouchriquins qui quitte vers les musulmans, alors on le renvoie. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner une autre issue, une autre voie pour s'en sortir. Et il mentionne le verset 2 dans surat At-Talaq, et quiconque craint Allah, Allah lui donne une issue, une autre issue, une issue facile. Donc le cheikh il dit, donc ensuite il a compris la vérité qui était et le bien qui était dans ce pacte, et que à la fin ça a été un bienfait pour les musulmans, et que ça, pourquoi? Parce que ça a stoppé les attaques, le mal des koufars contre les musulmans, et ça a permis à beaucoup d'entre les musulmans de faire la hijra. Les koufars eux-mêmes par la suite ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire changer cette clause là ils sont venus justement pour se plaindre et pour dire, ok, on veut plus que ce soit comme ça. Ils ont demandé de changer cette clause. Donc ça c'est pour montrer que on ne sait pas des fois comment vont terminer les choses. On peut voir en apparence que qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande, que c'est à notre désavantage, et à la fin en réalité c'est pour notre bien et c'est à notre avantage. Mais on ne le réalise pas toujours, parfois du premier coup. Donc le cheikh il dit que donc l'entente que les musulmans ont pris avec les mouchriquins, à la fin ça a été un grand bien, ça a stoppé le mal des mouchriquins et des koufars contre les musulmans, et il y a eu de plus en plus de gens qui ont fait la hijra et de plus en plus de muhajiroun, et la guerre a cessé. Pendant tout ce temps là le nombre des musulmans a augmenté et les musulmans ont pu faire la da'wa, personne ne les attaquait, personne ne s'opposait à eux, et Allah subhanahu wa ta'ala a nommé cette entente, cette sulh, ce pacte avec les kuffars, Allah l'a nommé la grande victoire. Et il y a le verset 1 dans surat al-Fath justement qui mentionne ça. Inna fatahna laka fathan mubina. Nous t'avons donné certes une victoire évidente, une victoire claire. Et ça c'est Al-Hudaybiyah. Donc le sahabe lui en apparence il voyait ça, il disait, ah mais ça c'est pas à notre avantage, on est perdant dans cette chose là parce que ça c'est son opinion personnelle. Et quand il a entendu par la suite l'explication et quand il a vu qu'est-ce qui est arrivé, là il a accusé son opinion personnelle et il a dit aux sahaba par la suite et aux autres qui venaient par la suite, peut-être parmi les tabi'in et les autres, prenez garde à vos opinions personnelles, et accusez-les en premier dans votre religion. Ensuite, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a mentionné un autre hadith. Il dit, رواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه ولكن ليس فيه ذكر النار. Donc, en parlant du hadith des 73 sectes, il dit qu'il a également été rapporté selon Abi Huraira, et il a été authentifié également, et il n'y a pas dedans la mention de l'enfer. Ça c'est le hadith 2640 dans سنن الترمذي، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه وأنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهوى كما يتجارب الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد تقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. Donc le cheikh il dit que également dans le hadith de Muawiya, rapporté selon Muawiya par l'imam Ahmad et Abi Daoud, il y a dedans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il va sortir des gens dans ma umma, la passion va circuler dans leur corps de la même manière que la rage lorsqu'elle a été en quelqu'un, lorsque quelqu'un a été affecté par la rage. Hein? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que certains dans ma umma, il va sortir des gens dans ma umma, les passions vont circuler en eux-mêmes de la même manière que la rage par celui qui a été mordu. Hein? Et il ne restera pas une seule articulation ou une seule veine, excepté que la rage va y rentrer, hein, dans son corps. Et donc, ça c'est la description de certains parmi les gens de Bid'a justement. Et il dit également qu'on a déjà rapporté aussi l'autre hadith à propos de celui qui cherche les voies de la jahiliya dans l'islam. Et le cheikh Al-Fawzan il commente sur ça, il dit « Allahu Jalla wa Ala naha an ittiba'i al-ahwa » قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فالذي يبلغه الحق ولا يقبله يكون متبعا لهواه ويعاقب بأن الله يختم على قلبه فلا يقبل الحق بعد ذلك والعياذ بالله عقوبة له. فاتباع الهوى شر، والواجب على المسلم أن يتبع الحق سواء وافق هواه أو خالفه. قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فاتباع الهوى شر، وفي آخر الزمان تكثر الأهوى في الناس وتتجارى بهم، بمعنى أنها تدخل في عروقهم كما يتجارى الكلب، وهو مرض يصيب الإنسان من عضة الكلب المصاب بالسعار بصاحبه. إذا عض الكلب الإنسان فإن ريقه يدخل في جسم الإنسان وفي عروقه وفي جسمه كله ويتجارى في جسمه كله، والأهواء تتجارى في الناس مثل داء الكلب. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a interdit de suivre les passions, les désirs, hein. Et il mentionne des versets qui prouvent l'interdiction des passions, comme le verset 43 dans Sourate Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala dit: n'as-tu pas vu celui qui a pris pour divinité sa passion? Est-ce que tu seras un garant pour lui? Et il mentionne le verset 23 dans Sourate Al-Jathiyah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: n'as-tu pas vu celui qui a pris pour divinité sa passion et que Allah a égaré avec science et qu'il a scellé son ouïe, son cœur, et il a mis sur sa vue, hein, un voile. Alors qui va le guider après Allah, hein? Donc celui à qui la vérité est parvenue et qui ne l'a pas acceptée, alors il suit sa passion. Celui-là, c'est quelqu'un qui suit sa passion, et il sera puni par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala va sceller son cœur. Alors après ça, il ne pourra plus accepter la vérité. Et ça, c'est une punition pour lui de ne pas avoir accepté la vérité du premier coup et d'avoir suivi sa passion. Et le cheikh, il dit, donc, de suivre la passion, c'est quelque chose qui est très mauvais. Et l'obligation pour le musulman, c'est de suivre la vérité. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est de suivre la vérité, peu importe que cette vérité-là soit en accord avec tes désirs ou en contradiction avec tes désirs. Tu dois suivre la vérité, peu importe. Et le cheikh, il mentionne le verset 71 dans Surat al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si la vérité suivait leur passion, si la vérité était en accord avec leur passion, alors les cieux et la terre auraient certes été corrompus. Les cieux et la terre et tout ce qui est dedans auraient certes été corrompus. Dans le sens que si la vérité, elle suit les passions des hommes, eh bien, c'est sûr que les cieux et la terre seraient en désordre, encore, hein, seraient corrompus. Donc, le cheikh, il dit, de suivre la passion, c'est quelque chose de mauvais. Et à la fin des temps, il y en aura de plus en plus, wa alaykum salam, vers la fin des temps, de plus en plus d'hommes suivront les passions. Et à un point tel qu'elles vont circuler, hein, dans le sens qu'elles vont rentrer dans les veines des gens, hein? Et elles vont circuler comme la rage. Et le cheikh, il dit, Al-Kalab en arabe, Al-Kalab, c'est une maladie qui affecte un homme lorsqu'il a été mordu par un chien qui a justement cette maladie qu'on appelle la rage. Hein? Donc quand il a été mordu par cet animal qui était malade, eh bien, cette morsure du chien, avec la salive, dans laquelle il y a la salive qui est remplie de rage, eh bien, elle rentre dans le corps de l'homme et elle circule dans son sein et dans son corps en entier, jusqu'à ce que tout son corps soit rempli justement de cette rage. Et c'est exactement ça qu'est-ce qui se passe lorsque les gens suivent leur passion. Eh bien, cette passion les envahit petit à petit et les fait tomber dans l'égarement, parce qu'ils ne suivent que leur passion par la suite. Et ça, c'est comme un peu comme la rage. Quand quelqu'un devient enragé, il n'a plus de contrôle sur lui-même. Hein? Et donc, ça, c'est la réalité des gens qui suivent les passions, qui suivent les égarements, qui suivent les innovations, hein? Qui suivent la bid'a. Ils ne peuvent plus penser à rien d'autre que à cette passion-là. Ils sont aveuglés complètement. Hein? Comme on dit souvent, l'amour est aveugle. On dit souvent que l'amour est aveugle parce que souvent c'est la passion. C'est pas de l'amour, c'est de la passion. Hein? Alors, on dit qu'elle est aveugle. Eh bien, les gens de bid'a, les kuffars et les mushrikines, quand ils adorent d'autres que Allah et quand ils désobéissent aux messagers et quand ils suivent les innovations, c'est leur passion qui les amène à faire ça. Et ils sont aveuglés par cette passion qu'ils ont. Et ça les empêche de suivre et d'accepter la vérité. Donc ça, c'est le point qu'on voulait expliquer dans les paroles du cheikh ici. On va s'arrêter maintenant, puis on continuera ça la semaine prochaine, inshallah, avec le prochain chapitre. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته